Lettre de ma chaumière d'Octave Mirbeau, suite. Les eaux muettes. À messieurs Amédée et Émile Delescluze, Prévôt et Dal. Le voyage de monsieur Renan dans sa chère Bretagne a remué en moi tout un monde de souvenirs et d'impressions. Je revois, pour ainsi dire, jour par jour, les 8 mois que, l'année dernière, je passais en un des coins les plus sauvages du Finistère, sur cette grève horrible et charmante de la baie d'Audierne qui va des gouffres noirs de la pointe du Raz au rocher homicide de Penmarc. La jolie petite ville d'Audierne est là, devant mes yeux, et tous les détails de sa vie pittoresque surgissent un à un et passent devant moi, comme les goélands qui tournoient au-dessus de l'eau bleue de son port. Sur le quai, les maisons blanches s'alignent, coupées de jardins et de chantiers bien abrités des vents de Suroît. Par le coteau, où poussent quelques pins maritimes et des chênes verts. Les chaloupes de pêche pressées les unes contre les autres font sécher leurs voiles couleur de rouille, claquent dans le vent, ou bien leurs filets étendus d'un mât à l'autre, ces longs filets qui quadrillent le ciel de mailles roses. Une goélette, à la svelte mature, au bordage peint en vert, débarque du charbon que des ouvriers empilent dans leur petite charrette, attelée de bœufs enchemisés de lin gris. Près de la marine, 2 douaniers causent avec des pêcheurs. D'autres pêcheurs entrent dans les débits de boissons. Et sur son banc, majestueusement assis, 26 fouliers, l'hôtelier fameux à plus de 50 lieues à la ronde. Batifoulier, qui illustra Bertal et que portraitura Guy de Maupassant, fume sa pipe, les mains appuyées sur ses genoux, et surveille le père Provost, qui radoue son canot sur la cale. Des escouades de petites ouvrières en béguin aplati, en fichu clair, se rendent aux usines, laissant derrière elles des odeurs rances de poissons. Des vieilles tricotent et font les 100 pas en causant. Tandis que des paysans du Cap, à la veste courte, aux braies flottantes, aux longs cheveux qui pleurent sous le chapeau de feutre, amènent un chargement d'orge que doit fretter un lougre de Paimpol. Là-bas, sous les arbres de la place, des anciens se chauffent au soleil et des femmes raccommodent des filets. Et les mouettes passent, s'élèvent, plongent, rasent l'eau qu'elles battent de leurs ailes, emplissent l'air de leurs cris ou bien se laissent mollement bercer par le flot qui monte. Des canots que des mousses conduisent à la godille traversent le port et vont s'amarrer à l'estacade de Poulgoazec qui, sur l'autre rive, échelonne gaiement ses maisons de pêcheurs, ses usines de sardines et sa petite église en ruine dont le clocher menace de s'écrouler. Derrière le pont qui relie la route de Plozévé au village d'Audierne, du haut d'un coteau fermant l'horizon, l'hospitalier château de Loquet